Sur la prochaine édition d'Assemblage requis, on parle des spectacles à ne pas manquer au Festival d'été de Québec. Il y a aussi vos chroniques habituelles CNX et C'est un fait. Et on reçoit We Are Wolves en entrevue. Assemblage requis, jeudi exceptionnellement à 13h, on rappelle samedi à 16h.